retour sur l'autoroute Greenway. Où rien que le vent et toi serré contre moi dans le soleil. Où la plage est là et on va profiter des jours de l'été. Plus tard nous aurons des souvenirs à chanter. Yesterday, yesterday. Freeway, freeway, ma moto va t'emporter. Freeway, freeway, partout sans s'arrêter. Faire un tour sur l'autoroute. Où rien que le vent et toi serré contre moi dans le soleil. Où la plage est là et on va profiter des jours de l'été. Plus tard nous aurons des souvenirs à chanter. Yesterday, yesterday. Freeway, freeway, ma moto va t'emporter. Freeway, freeway, partout sans s'arrêter. Où la plage est là et on va profiter des jours de l'été. Plus tard nous aurons des souvenirs à chanter. Yesterday. Freeway, freeway, ma moto va t'emporter. Freeway, freeway, partout sans s'arrêter. Freeway, freeway, ce soir je veux rouler. Freeway, freeway, ce soir je veux t'aimer. Va t'emporter. Freeway, freeway, partout sans s'arrêter. Freeway, freeway, ma moto va t'emporter. Freeway, freeway, partout sans s'arrêter.